16-10, activation orale, devoir. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? Oh, tu crois que j'ai envie de rentrer? Et vous répondez? Non, mais tu dois rentrer. 2. Vous croyez que nous avons envie de rentrer? Non, mais vous devez rentrer. 3. Il a envie d'aller à la bibliothèque? Non, mais il doit aller à la bibliothèque. 4. Elle a envie d'y aller? Non, mais elle doit y aller. 5. Ils ont envie d'aller au cours? Non, mais ils doivent aller au cours. 6. Tu as envie de travailler? Non, mais je dois travailler. 7. Vous avez envie de partir, tous les deux? Non, mais nous devons partir.